sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. L'antenne, appelle le 02 38 43 48 00. Se cansó de llorar y condenó su corazón a una selva para protegerlo del amor, del peligro nunca estar cerca. Mambo King. Ella se sentenció a su lena por vida eterna. A todos en el por vida eterna. A todos se negó, por miedo al dolor. Por culpa de un imbécil que nunca la amó. Hoy llora noche y día viviendo en dolor. Por culpa de un estúpido que nunca vio. Que ya todo lo dio al entregarse. Hoy sufre arrepentida, llora sol a sol. Al más grande cobarde que la traicionó. Al sucio mentiroso que me le engañó. Y eso yo le vendió sin valorar. Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Je chante à la radio. En tout à vue, ça l'a dit les gars où a percé. Attends, je fais partir le coupé. Et on dit premier gars où n'est pas gars où. C'est deuxième gars où qui est Niatao. On dit premier gars où n'est pas gars où. C'est deuxième gars où qui est Niatao. Ce matin, et coco, on frappe à ma porte. À ma grande surprise, au Sénaco, en tout je vois haut. On s'embrasse, je dis oh, y'a longtemps, c'est plus le vieux. Elle veut me mentir, oh, elle dit chérie, j'avais voyagé, oh. Je suis de retour, oh, je t'appartiens, oh. Rends-moi cadeau, fais ce que tu veux, oh. Et on dit premier gars ou n'est pas gars ou, oh. Deuxième gaou qui est Niatao. J'ai dit chéri coco, qu'est-ce que tu veux manger, oh. Sans même hésiter, oh. Elle me dit poulet brisé, oh. Quand on te dit premier gaou n'est pas gaou, oh. C'est deuxième gaou qui est Niatao. J'ai dit chéri coco, ce poulet tu veux manger, oh. Poulet est trop petit, oh. Ça peut pas te rassasier, oh. C'est caïman brisé, oh. Je vais te donner, oh, les genoux d'éléphant, oh. Tu vas manger, oh. Nangene, nangene, wa. Nangene, nangene, wa. Elle est fâchée, qu'elle s'en va à la maison. Si elle va à la maison, population va me tuer, oh. Je lui ai demandé pardon, eh. Elle a accepté, oh. À un moment donné, elle a tout gâté, oh. Elle a quitté dans poulet, elle s'en va dans le loco. C'est pas compliqué, oh. c'est plantation de bananes. Tu vas griller, oh. Au lieu des fourchettes, oh. Ça peut pas bien piquer, oh. C'est avec gâteau, tu vas manger, oh. Nangene, nangene, oh. Allez, avec ça, si on ne met pas de bonne humeur aujourd'hui, lundi, nous sommes le 9 septembre, ouais, ça passe, hein. 16h16 sur l'arc-en-ciel, belle fin d'après-midi. On est en direct jusqu'à 18h et ça fait plaisir de retrouver avec Makassi qui reprend Magic System. L'After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Ouais, il y a du monde qui est connecté là sur le Facebook. Il y a Michel qui parle à la radio, on le voit derrière moi là. Salut Michel, bonne journée à toi. Il va faire une radio du genou, Mich. Un problème de genou, ça y est, c'est l'âge, hein, il commence à être jeune, hein, il est trop jeune en fait, c'est pour ça. Bruno qui est là, salut Bruno, ça va mon ami, je travaille au tribunal. Ah, bah appelle-nous tiens Bruno, 0238 43 48 00, vous pouvez nous appeler, le standard vous êtes ouvert, hein, tout de suite. On aura des invités aux alentours de 17h, je crois, 17h30, il y aura Fabien Duba qui sera là déjà pour nous donner un point actu de la région. Et puis on va parler du 4L Trophy, c'est Michel, il me fait marrer, il est sur le point de départ. Et viens Michel, viens à côté de moi la vidéo là, fais le tour. Alors fais le tour, quand je dis à Michel de faire le tour, il y en a pour 2 heures. Hein. Je vais le pousser, viens là, voilà, c'est l'ancêtre de la radio, Radio Arc-en-Ciel. Voilà Michel, beau gosse. Alors avant il était Chippendales, il était mannequin avant. Voilà, les dégâts de la vie. Salut mon Michel, demain une radio, tu fais une radio? Ouais, t'es pas mal encore, ouais, t'es encore beau gosse. Hein. Si vous voulez l'emballer, là, vous pouvez m'appeler 02 38 43 48 00. Je vous fais un beau paquet cadeau. Promis, juré, craché. Salut mon Michel, on se voit demain ou samedi, son émission. Je sais même plus quand est-ce qu'il travaille, tellement qu'il travaille, le pauvre. Heureux d'être avec vous. Francky, on vous l'a dit tout à l'heure, on va parler du 4L Trophy Show. Ils seront nos invités, ils vont partir traverser le désert du Maroc. Et ils seront là dans nos studios. On va parler de plein de choses avec Fabien Luma, notre journaliste, tout à l'heure, qui sera en direct. L'After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h et le mardi de 17h à 19h, ouais, sur c'est Radio ça. Arc-en-Ciel, ah, il a pas fini. 96.2 FM. La voix officielle de la radio, Pascal Quechalet au passage, qui nous fait plein de beaux jingles. Mamma mia, ça arrive. Salut à Jennifer qui est là. Salut Georges aussi, que connecté. Vous êtes nombreux l'après-midi, Angelina David. Coucou mon Francky, salut Angelina, plaisir j'ai de vous avoir. Des faux amis, des gens que j'estime s'en aller. J'essaie de rester calme, ça sert à rien de s'emballer. J'sais pas vraiment ce qu'on veut, en inconnu, on fait que m'appeler. Non, on veut pas me lâcher, j'prends mes bagages en aller. Miss, retrouve-moi en ville, moi, j'vais me pavaner. J'sais pas, j'aime pas ton style, quoi, je n'ai pas vanné. J'vais me caler au tacos, puis j'ai deux, trois choses à régler. Tu peux tout remballer, j'viens pas à ton RDV. J'ai mes lunettes de soleil, j'suis posé dans le sud, ouais. Toi tu fais trop de manières, si tu parles assume. À FIFA je lâche pas la manette, 3-0 j'assure, ouais. Tu ne fais que râler, allez fonce dans le mur. Quand la devise on la connaît, il nous faut de la monnaie. Il nous faut de la monnaie, il nous faut de la monnaie. Fais la timide on te connaît. Tu aimes bien te coller, tu aimes bien te coller, tu aimes bien te coller. J'suis dans mon monde on me dit que j'suis malade. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. J'calcule personne, tu sais, j'me balade. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Crois pas que j'fais la star, mais moi j'donne pas mon numéro. J'ai ajouté son snap, elle a voulu que j'lui passe l'anneau. Tu peux m'voir en survette sur les champs à Vapiano. Jamais sans le frérot, j'suis calé avec Samo. Là on a mis les warnings, ouais, on reste pas longtemps. T'es là, tu me parles de feeling, quoi, tu m'appelles le sang. Et l'autre me dévisage, j'crois qu'elle me trouve élégant. Tu tournes, tu perds ton temps, j't'ai grillé, fais pas semblant. Vas-y, passe voir un film, les autres ils sont vilains. On aura la villa, ah, on est plus malin. Quand la devise on la connaît, il nous faut de la monnaie, il nous faut de la monnaie, il nous faut de la monnaie. Fais la timide, on te connaît. Tu aimes bien te coller, tu aimes bien te coller, tu aimes bien te coller. Je suis dans mon monde, on me dit que je suis malade. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. malade, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Je calcule personne, tu sais, je me balade, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Et justement, il est dingue le mec, hein, il s'appelle Ritza, forcément vous le connaissez. L'After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. C'est vrai qu'avec Facebook, maintenant Messenger, on se rappelle plein de bons souvenirs avec mon pote Christophe. Il y a Richard aussi qui est là. Et puis vous, de l'autre côté de la radio, vous pouvez nous appeler 02 38 43. Je cherche le numéro 48 00. Je demande un appel. Allez, on prend un appel. Moi, je sais pas, je prends les appels au hasard. Allô ? Allô ? Ah, bah il y a un appel. Christophe qui est là, Richard, ouais, il y a Christophe Boudin qui est connecté, ancien footballeur de la SPTT, Richard aussi qui est là. Ça me fait plaisir, vous êtes nombreux et nombreuses, et ça, ça fait zizir. C'est la vie, ça arrive le collectif. Et puis la météo pour demain, on fait un point sur un arc-en-ciel. La météo. La météo pour demain. Demain, nous sommes le 10 septembre. Ça passe vite, hein. Les températures, 7 petits degrés au lever du jour. Ça caille un peu le matin maintenant. La bonne nouvelle, c'est que le soleil sera présent demain tout au long de la journée jusqu'à 23 degrés. Et encore une bonne nouvelle, c'est la vie, c'est le collectif vas-y, qui arrive. Francky, c'est bon. Vas-y Francky, c'est bon, bon, bon. Et voilà. C'est la vie, hein. Il y a du monde sur Messenger. Il y a une fille qui demande bonjour, comment ça va? Alors il y a un nom que je comprends pas. À mon avis, ça doit arriver de très très loin, de l'autre bout de la terre. L'After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Justement, si vous voulez des bons plans pour sortir, eh bien, j'en ai un très bon plan. Ça va se passer au Patapin à Orme. Elle organise son After Work Portugal. Ça sera le jeudi 26 septembre, donc jeudi prochain. Rendez-vous à partir de 19h au restaurant Patapin, avenue du Général de Gaulle à Orme. Vous allez voir, il est magnifique le Patapin. Ils ont tout refait. Franchement, c'est un beau Patapin. Hein. Alors, une ambiance sous le couleur du Portugal, animée par Francky. Tiens, c'est marrant. Alors, au menu, mangao à base de licor brao, bah, j'espère que je le dis bien, plancha et musique gorgée de soleil, bien sûr. Alors, à vos agendas, notez bien, c'est le jeudi 26 septembre à partir de 19h et c'est au nouveau Patapin à Orme, dans le centre routier. Là, on ne pouvait pas le louper là sur la grande voie principale. Il est énorme, il est fabuleux, il est magnifique. Vous êtes peut-être sur la route du boulot, là, vous rentrez tranquillement à 16h27, et bien, il nous fait le chemin avec nous, c'est de Palmas et sur la route. J'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu de doute en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais pu lire dans tes pensées. Ouh, ouh, ouh. J'avais perdu l'habitude. Mon profond de solitude, je ne m'apercevais pas. Tu étais derrière chacun de mes pas. Erreur fatale, bien le temps des regrets. Je me noie dans un verre de larmes. J'étais sur la route toute la fin de journée. J'ai pas vu de doute en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais pu lire dans tes pensées. J'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu de doute en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais pu lire dans tes pensées. Sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu de doute en toi s'immiscer. Car j'étais sur la route toute la sainte. Sur la route, en sortant du boulot, avec Gérard de Palmas, toute la sainte journée. Ah ouais, des bons souvenirs sur l'arc-en-ciel. À 16h30, heureux d'être avec vous. On vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. Courage à vous. Ah ouais, ça y est, c'est la fin. Avec les soldats 96, Donny Hines, It's Alright. time to take it slow. Count one to three and here we go. I can tell how you feel, I know what you like. Can't mess with the groove or trip the vibe. Don't you be afraid, baby, don't be shy. Cause I see what you want shining in your eyes. And I can feel the heat that you try to hide. But that's the part of you that I want inside. So alright, I know where to start. Let me guide you through, through the hardest part. Oh, it's alright, all right. Touch me in the dark, touch me in the dark. Bring me closer to the hardest part. Touch me in the dark. Just run out of passion is the game. What I want and you want are the same. Don't have to pretend that this is real love. Just do as I say and that's enough. Don't you be afraid, baby, don't be shy. Cause I see what you want shining in your eyes. And I can feel the heat that you try to hide. But that's the Nanana. Et on a dansé là-dessus, on a fait la fête aussi avec les années 96. Denny Hines, it's alright pour vous, it's ok. On va prendre Jérôme au téléphone. L'After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel, ouais. 96.2 FM. Salut Jérôme, comment tu vas bien? Ça va? Ouais, toi, ça va la forme? Mais ça va toi, la forme, et toi ça va? Ouais, toi ça va la forme. Ouais. Dis-moi alors, comment s'est passée ta journée, Jérôme? Bah très bien, ça a été, merci beaucoup. Ouais, t'as fait quoi aujourd'hui? Bah je connais la musique portugaise sur mon PC et puis voilà quoi. Ah ouais, grosse passion alors, ouais, grosse journée alors, écouter de la musique de Portugal. Eh oui. Bon, tu commences à quelle heure le matin, Jérôme? T'es au bahut toi, t'es où? Non mais je travaille pas maintenant le matin. Ah ouais? Tout le temps. Oh, c'est cool. Oh, bah, c'est cool, la vie est belle alors, Jérôme. Ah bah oui, la vie est belle. Ok, bon Jérôme. Bonjour mon Francky. Oui. Est-ce que tu peux passer la chanson de Lucenzo, s'il te plaît? Ouais, je vais t'en trouver un, Lucenzo. Forcément, Arc-en-Ciel, si on n'a pas un Lucenzo, on n'a rien. Hein. D'accord, ça va. Je vais t'en trouver un petit qui traîne dans les studios. On fait comme ça, mon ami? Oui, on fait comme ça, pas de soucis. Allez, belle fin d'après-midi à toi, mon Jérôme. Toi aussi, bisous, ciao. Allez, salut, bah ouais, bisous. Et voilà, ça tombe bien, il arrive. Voici Lucenzo avec Damien Besso. Salut Philippe, qui est connecté aussi. Salut Lily Plume, salut David, salut Vincent. Vous êtes nombreux là sur le réseau Messengers avec Dame Unbeso, Lucenzo. L'After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. On est heureux de vous retrouver cet après-midi jusqu'à 18h. Et puis la ville de Fleury-les-Aubrais, la mairie de Fleury-les-Aubrais, si vous êtes fleurissois bien sûr, vous offre des places gratuites pour l'Open de tennis qui aura lieu du 23 au 29 septembre 2019. Alors le lundi 23, le mardi 24, le jeudi 26, le vendredi 27, des places en nombre de places limitées, hein, bien sûr disponibles en mairie. Et c'est deux par famille. Voilà, donc vous présentez qu'une pièce d'identité, il faut être de Fleury bien sûr. Et la mairie vous offre gracieusement, avec un nombre limité bien sûr, hein, vos places pour aller, pourquoi pas, à l'Open de tennis qui aura lieu du 23 au 29 septembre. Ça c'est un bon plan. Voilà, Despacito ça arrive, Lucenzo aussi, et puis DJ Amar, il a décidé. Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero inspirar tu cuero despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Hacer de tu cuerpo todo manuscrito. Sube, sube, sube, sube, sube. Forcément, les bons souvenirs de vacances. Ah bah oui, Despacito, le remix Luis Fonsi, qui fait partie des titres les plus regardés sur YouTube. Salut Marie-France qui est là. Hello you, hello toi, comment tu vas? Je traduis en même temps. We are the world, we are the children, USA of Africa. Il y avait tout le monde là, Jackson, Cyndi Lauper, ils étaient un paquet. Et bien justement, c'était l'été 86, rappelez-vous. Must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can go on pretending day by day that the world somewhere will soon make a change. God's great big family. And the truth, you know love is all we need. Children, USS of Africa. Et là, ils étaient un paquet sur scène, une cinquantaine quand même, hein, ça représente hein, en 1986. Et tout ça pour faire un coup de barre à l'Afrique, ouais, l'Ethiopie aussi, hein, sûrement. Et puis voilà, ça a rapporté quand même pas mal de thunes, et puis ça fait du bien, on va chanter les Sans Frontières. Ouais, heureux d'être là, DJ Assad qui arrive avec Willy William. Salut Marie-France, j'espère que tout en Camon, c'était bien. Je sais que t'étais mort tout en Camon dimanche à Paris, ouais. Appelle-nous, tiens, pour nous raconter un petit peu comment s'est passée cette visite de Toutankhamon. Ouais, on a envie de tout savoir, nous. L'île de la Réunion, à la Lila, c'est Willy William. Lâche-toi dans la gaieté. C'est Gapendorf qui fait t'implorer. Quand elle y fait t'oublier tout sa grain. Allô, bouge les reins. C'est gala pour faire ta passe de la fin. Mette la joie dans tous les quais. Vini danser, pas besoin de topé. Ici c'est grâce à nous dansons frais. C'est comme ça. De Paris à l'île aux Cé. Le Sega. Nous bouteilles du vin, nous godorades à la tamboula libaté. Nous pourrouler dans l'idité. Triant, triant, ma ravane, sa couille, ravane, peut battre les reins, la rapé, vous éra, nous lèvent, nous la met. Santé danser pour nous amuser. C'est ça! Mettre la joie dans tous les quais. Vini danser, pas besoin de tomber. C'est comme ça qu'on fait. Ici, c'est grâce à nous dansons frais. C'est ça, c'est grâce. De Paris à l'île aux Cé. Soleil, ça fait du bien à 16h49 minutes. L'île de la Réunion, DJ Assad, Willy, William et Alain Ramanissium. Pas facile à dire. After Job avec Francky l'après-midi. Eh ouais, avec Francky l'après-midi, à part lui. Mais qui c'est ? Je t'aimerai jusqu'au Johnny. Non, c'est pas Johnny, Jean-Baptiste Guégan. Bah oui, tout le monde en parle en ce moment. Jean-Baptiste Guégan qui cartonne hein, dans les ventes d'albums, numéro 1 des ventes d'albums en France. Quelle voix ? Là, c'est un petit extrait de son premier album, justement, puisque c'est écrit. Ouais, on s'écoute. J'emporterai l'amour et le goût de ta peau. Tous ces instants d'éternité qu'aucun dieu de l'enfer ne pourra me voler. L'amour ne peut mourir car il est infini. Puisque c'est écrit, je t'aimerai jusqu'au jour où finira ma vie. Un petit extrait de son premier album, Jean-Baptiste Guégan, puisque c'est écrit, l'album qui est depuis ce matin numéro 1 des ventes en France. Bravo, quelle voix, j'aurais dû avoir la même voix que Johnny, hein, j'aurais pu gagner un peu de thunes. Ah, c'est bien, ça peut servir. Hein, ouais. L'After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h. Sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Et ouais, on est là, hein, on est là jusqu'à 18h à peu près pour vous souhaiter une belle après-midi. Ils seront nos invités tout à l'heure dans les studios. On va parler du 4L Trophy. Ils vont partir au Maroc, traverser le Maroc pour emmener des fournitures scolaires. Et bien, ils seront nos invités tout à l'heure aux alentours de 17h30, je crois, 17h et à 17h15. Et bien, il sera là, c'est Fabien Dumas dans les studios de la radio et notre journaliste hein, qui va nous raconter un petit peu ce qui se passe sur Orléans. Les mots qui est qui arrive et c'est sur Radio Arc-en-Ciel. Texte en guise de lettre, car tu ne te fies qu'à mon paraître. Tous tes amis me descendent en traître, donc tu n'essaies même pas de me connaître. Je sais ton Roméo, oh, oh, oh, tu n'auras pas qu'une expérience. J'avoue de t'inquiéter, oh, oh, oh, t'en prie, fais-moi confiance. Il y aura des bails, oh, oh, oh, ça c'est est une évidence. Mais écoute plutôt ton cœur. Je t'en prie, laisse-moi une chance. Faut pas les écouter, ceux qui les effondrent. Donne-moi, donne-moi, donne-moi le temps de trouver les mots. Sois pas les goûter, je ferai ce qu'il faut. Près de toi, près de toi, près de toi, je soigne mes mots. J'suis dingue de cette nana là, la la la, la la la. J'suis dingue de cette nana là, mais elle ne l'entend pas. J'suis dingue de cette nana là, la la la, la la la. J'suis dingue de cette nana là, mais elle ne l'entend pas. Et puis je réalise, je l'idéalise, que mon cœur elle en a la totale possession. N'ayez pas de méprise, je suis sous son emprise. Elle est ma raison d'être, elle est mon obsession. Faut pas les écouter, ce qu'ils disent est faux. Donne-moi, donne-moi, donne-moi le temps de trouver les mots. Sois pas dégoûté, je ferai ce qu'il faut. Près de toi, près de toi, près de toi, je soignerai tes mots. Laisse-moi t'aimer, je le ferai comme personne. Je te comblerai de mille et une couronne. Il semblerait qu'à toi je m'abandonne. Si tu le voulais, alors je serais ton âme. Laisse-moi t'aimer, je le ferai comme personne. Je te comblerai de mille et une couronne. Il semblerait qu'à toi je m'abandonne. Si tu le voulais, alors je serais ton âme. Faut pas les écouter, ceux qui les effondrent. Donne-moi, donne-moi, donne-moi le temps de trouver les mots. Sans pas l'écouter, je ferai ce qu'il faut. Je ferai ce qu'il faut. Pour toi, pour toi, pour toi, je soignerai tes mots. Faut pas les écouter, ceux qui les effondrent. Ceux qui les effondrent. Donne-moi, donne-moi, donne-moi le temps de trouver les mots. Écoute ça, c'est pour toi, c'est comme ça, la voix de Saint-Ange. D'ailleurs, ce titre qui a été écrit à Orléans, à Chargy, ouais, par mon poteau Saint-Ange du collectif Métissé, ça fait plaisir, franchement. L'After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h. Sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Ouais, puis des chiffres alarmants sur la planète. Hein, selon une enquête du Parisien, une personne se suicide toutes les 40 secondes sur la planète. Soit 800 000 personnes par an. Des chiffres qui restent quand même alarmants. Voilà, c'était pour vous mettre le moral en berne dès 16h59. Nos invités, tout à l'heure, on vous l'a dit, vont traverser le désert. Hein, ils seront là, le 4L Trophy Show dans les cieux de la radio. Aux alentours de 17h15. Et puis Fabien Dubac qui donnera un point actuel sur la région d'Orléans, au national aussi. Et puis des bons plans insolites. Et puis on va se parler avec lui, pourquoi pas. Ouais, du son qui arrive. On a Dr Alban en perf là. Il est là, il arrive. Et Ed Sheeran, ça on adore. Et c'est perfect, la version avec Beyoncé. I found a love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Well, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own. And in your eyes, you're holding mine. Baby, I'm between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Thank you. donna, la forza delle onde del mare, cogli i miei sogni, i miei segreti, molto di più. Spero che un giorno l'amore che ci ha accompagnato diventi casa, la mia famiglia, diventi noi. E siamo sempre bambini, ma nulla è impossibile. Stavolta non ti lascerò. Mi baci piano. Sussurrando ho detto, tu stasera vedi sei perfetta per me. Ballo con te. Sei un angelo e io t'ho aspettato quanto ti ho aspettato. Perfect ce soir, j'adore la version Ed Sheeran avec Andrea Bocelli. Vous êtes parfait aujourd'hui à 17h01 sur la pensée. L'After Job avec Francky. Le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Ah, je regarde un truc de dingue quand même, hein. Le parquet d'Ajaccio qui a ouvert une enquête pour harcèlement sexuel et exhibition à la suite d'une plainte déposée par une jeune femme de 21 ans. Et devinez pour qui ? Pour Patrick Bruel. Esthéticienne dans un hôtel, elle a dénoncé le comportement du chanteur Patrick Bruel lors d'une séance de massage. Voilà, donc il va être entendu par la police d'Ajaccio. Ah, Patrick, oh, on n'y croit pas. Bah tiens, justement, on va s'en écouter une reprise de Patrick Bruel par mon pote Rodrigo Ace. Je te le dis quand même, la version latino. Oh, yeah. Rodrigo Ace, el latino francés. Que aquí en nuestro bar no había peor lugar. Total para decir que a lo mejor te vas. Que tenemos que hacer, sonreír o llorar. Comme ça, comme dès qu'on vend le café d'en bas. Merci pour tout. tout le mal qu'on sait bâti. Certains rigolent déjà. Je m'en fous, je les aimais pas. On avait l'air trop bien, y'en a qui supportent pas. Allez, vas-y, dis-lui que tu l'aimes. Allez, Patrick. Ah ouais, on t'aime. Mais bon, c'est pas bien quand même. La météo qui arrive. La météo sur Radio Arc-en-Ciel. On vous souhaite une belle fin d'après-midi, 17h04 si vous allez de côté de la radio. Côté ciel, c'est plutôt pas mal, hein. 7 à 23 degrés pour demain, au lever du jour, hein. 7 petits degrés. Et ça va monter crescendo. Le soleil sera bien présent sur toute la région d'Orléans, Fleury, Olivet, Saint-Jean-de-Bray. Ça fait du bien. Signe Alléluia, ça arrive. Ça, forcément, ça va me rappeler de très bons souvenirs. Hein. Le tube des années 90, Docteur Alban. Hallelujah. pelo par e pelo rap, como de amenar nem parece já. Oh Lord. Avec Dr Alban, Sing Hallelujah sur l'arc-en-ciel. L'After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Un des bons plans pour sortir sur Fleury-les-Aubrais. La fête de quartier à la maison pour tous, Jean Gabin. Des animations vous attendent le vendredi 20 et samedi 21 septembre. La maison pour tous, Jean Gabin, organise sa fête de quartier au programme. Alors jeudi 20 septembre à partir de 19h, barbecue et animation musicale. Tarif adulte 5,45€, c'est précis. Hein. Enfant 2,35€. Ça me fait rire les tarifs, ouais, c'est marrant. Samedi 21 septembre de 14h à 18h pour les enfants, jeux en bois, structure gonflable, maquillage pour les adultes, rencontre de pétanque en duo, ça peut être rigolo, animation dans le jardin partagé par le conseil citoyen. Pour toutes les infos, 02 38 73 03 47 ou alors vous renseignez directement à la mairie de Fleury-les-Aubrais. Voilà, la fête de quartier, c'est le 20 et 21 septembre prochain. L'Espagne qui arrive avec Elvis Crespo. Fascina, algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa, será tu sonrisa. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa, será tu sonrisa. Pequena. Será tu sonrisa, ça vous rappelle peut-être des vacances en Espagne, ça. Elvis Crespo, Tenerife, j'espère que je le dis bien, j'espère. Hein. Fabien Dubas qui arrive dans les studios de la radio. On va faire un point sur l'actu avec lui dans moins de 10 minutes. L'After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Et ouais, puis je vous rappelle ce bel événement, hein, le jeudi 26 septembre prochain. Votre restaurant Patapin à Orme organise et vous invite à un After Work Portugal. Ça va être bon ça va être chaud. Alors rendez-vous à partir de 19h au restaurant Patapin à Orme. Il est énorme, il est grand, il est beau, il est magnifique. Hein. Je vais te faire un tour, avenue du Général de Gaulle à Orme. C'était anciennement un restaurant avant sur la gauche, là, sur la droite, quand vous arrivez d'Orléans. C'est dans le centre routier, c'est énorme. Il est, franchement, il est magnifique. Hein. Et l'ambiance sous les couleurs du Portugal, animée par Francky. Tiens, c'est bizarre. Au menu, il y aura pas mal de choses. Plan de chat, musique, gorgée de soleil. Alors à vos agendas, notez bien, c'est le jeudi 26 septembre à partir de 19h. Et c'est au Patapin à Orme. Venez voir ce beau, bel établissement. Il est magnifique. Hein. Alors venez passer votre after-work portugais au restaurant Patapin à Orme. L'ambiance vous sera garantie. Ça va être chaud, ça va être qualité. Il y aura plein de surprises. Aussi. Il est là dans les studios, le Fabien Dubas. Dans quelques minutes, ça va être à lui. Hein. Et puis les souvenirs funky music des années 80 avec les Fat Larry's Band qui arrivent sur Radio Arc-en-Ciel. Yeah, you wanna know, act just like. Just like you know. Whoa, you just ought to know. Yeah. When you're feeling down and low and you need a place to go. Just pick up your shoes and go to the hottest place you know. Start kicking in the shirt. Act like you don't, and you won't. So we set the stage for you to see that dancing makes you really wanna be. Yeah. The latest hit, you can count on it. You'll be the star, always by four. Just remember this, to feel so fine. Just step right up. Hurry, hurry, hurry. Keep the fire light, like you know. This is your way to shine, like you know. There's only stars in the firelight. Ah, ça s'agite dans les studios, hein. Ouais, forcément, avec un titre comme ça, Fabien qui prend des photos. Oh, beau gosse. Ah. T'as dansé là-dessus à l'époque, toi? Évidemment. T'as dansé le Jouve. Tu t'es dansé, toi? Bah, j'ai vu le fond en boîte, j'ai jamais vu danser. Ouais. Mais ah, bah là, ce soir-là, non, j'étais là pour te voir. Ouais, fait plaisir. Pour Fabien. La soirée portugaise. Ah, le Portugal. Yeah. Comment il va bien, Fabien? Et il va tranquille, il va bien, impeccable. Ouais. Hâte d'être au micro avec toi aujourd'hui. Ouais, ça moi aussi, donc ça là, me fait plaisir de te revoir, Fabien. La chronique est prête de Fabien. La chronique est parfaite. Ouais, alors, des insolites, j'en ai déjà une, mais si vous êtes sage, j'en aurai peut-être même deux. Aïe, ça va être du lourd, on y va. La chronique de Fabien. T'es une star, hein? Oh, écoute. Alors, en plus, je voulais que tu sois vraiment une star aujourd'hui. C'est comme si tu présentais le 20h. Yeah! Bonjour, bonne soirée, bonjour. Bienvenue sur TF1. Donc là, ce qu'on entend, c'est mes petites fiches. Ouais, comme voilà, comme l'animateur en télé. Voilà. Alors, 17h19, ouais, Jean-Pierre sur Radio Arc-en-Ciel. Bonjour, bienvenue dans le journal de 17h19. Oui, Léon Zitrone. Alors, aujourd'hui, lundi 9 septembre, ouais. Forcément, c'est un retour de week-end gagnant pour toutes les associations du département. Ouais, bon, il y en a eu plein. Hein. Déjà, la Radio Arc-en-Ciel était à la passerelle. J'étais à la passerelle samedi. Il y en avait à Olivet, il y en avait donc à Saran, ouais. Bien partout. Plus de 500 associations étaient présentes aussi à Orléans hier pour rentrer en fait dans toute la ville d'Orléans. Il y a de quoi faire. Donc là, je pense que maintenant tout est prêt pour que les petits et les grands fassent une activité sportive, culturelle, ludique, macramé, échec, voilà. Échec et mat. Ça commence donc maintenant. Les activités vont pouvoir commencer. C'est bien. Non, mais c'est bien ça. C'est utile, ça met en relation. Puis c'est bien pour les associations. Ça permet qu'elles se rencontrent aussi. Qu'est-ce qu'on cause un petit peu. Ça te dérange pas si je te mets le son du 20h? Non, écoute, attends, alors là, je touche plus terre, là. deuxième information de la journée. c'était les Nuits de Sologne aussi, ce samedi soir. Il y avait du monde, apparemment. Plus près de 20 000 personnes. Ouais, j'ai amassé, ma mère y a été. La chance, c'est qu'il y avait des gens qui ont voulu prendre des places à la dernière minute et tout était vendu depuis des semaines. Il était en fourreau de ma mère. Elle est montée au-dessus d'un arbre. Elle est montée sur un arbre. Donc, non, encore un beau spectacle de feu d'artifice, près d'une heure de feu d'artifice. C'était magnifique. Alors, il y a une petite touche négative, une petite touche pessimiste. T'as trouvé un truc qui allait pas. Au Nuit en Sologne. Ouais. Il y avait le brass band du Val de Loire qui était là pour un peu animer la partie musicale de cette soirée. Ouais. Et en fait, ils se sont fait voler 4 instruments de musique pendant leur prestation. Ah mince, si vous avez piqué les instruments là, vous les rendez à la radio. Voilà, ça va pas servir à grand chose. Ça sert à rien. Donc voilà, on lance un appel si vous les voyez. Vous nous appelez, on appelle les flics direct. Le brass band de Val de Loire. Venez à la radio, les ramener, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. On va maintenant du côté des Grous. Entre Orléans et Saint-Jean-de-la-Ruelle, il y avait un terrain qui était un peu en friche depuis des années. Et alors, il y a eu une initiative de la mairie, il me semble. Il y a eu 1000 arbres qui ont été ainsi plantés sur une parcelle de 7000 mètres carrés. Ah, c'est bien ça. Des chênes, des tilleuls, des charmes, bref, voilà. On pourra aller du thé au tilleul. Voilà, près de plus de 200 essences d'arbres. Ouais. De quoi bien mettre le feu cet hiver. Donc c'est bien de reboiser un peu les parcelles, de mettre un peu de verdure dans les quartiers, dans les villes. Il en manque, je trouve, de la verdure. Voilà. Donc ça continue, les Grous continuent leur mue. Tant mieux. Voilà. On va parler maintenant prévention routière, sécurité routière. On va parler des radars. Ah, des nouveaux radars, non? Anciens. Alors, depuis 12 mois à peu près, avec les manifestations des citoyens français, il y a eu beaucoup de radars qui ont été vandalisés. Ah ouais, il y a que ça. Hein. Mais depuis juin, en roulant, des fois, ils sont bâchés. Saucissonnés, Mais moi, j'en ai un vers chez moi, il était enlevé carrément. Ah, carrément, La tronçonneuse, il l'enlève. Non, mais je pense que j'en ai vu un aussi vers Blois qui avait été cramé. Le truc, il était éventré, ouais. Ouais. Alors là, ça, ils sont soit en panne, soit bâchés, soit dessoudés. Mais depuis juin, les radars vitesse nouvelle génération sont déployés un peu partout. Donc, je vous invite à aller voir dans le journal de du coin. Il y a une carte interactive de tous les radars qui peuvent être mis dans le département. Ah, donc, voilà. Faut lever le pied, un peu toujours, mais faites attention aussi à la vitesse. Ouais, faites gaffe quand même sur la route, hein, c'est important. Voilà. Soyez prudents sur la route, les enfants. Tout à fait. Mais c'est vrai que les radars, il y en a de plus en plus qui partent en couille. Hein. Eh ouais. Non, mais après, il y a toujours des polémiques entre ceux qui sont mal placés, ceux qui servent attends, pas. Attends, parce que je fais de la radio, il y a Jackie qui me dit bonjour en même temps, tu vois. Salut Jackie. Donc, voilà, nous on fait tout ici, on dit bonjour, on fait de la radio. Donc, on est en direct, hein. On est en direct, en 13h. Voilà, donc, le 13h de Pernod. ça te va bien. Non, mais costard, Ah bah attends, là j'ai la. Mais le costard la semaine prochaine. Hier, il y avait aussi la fête de la Sange à Sully-sur-Loire. Je sais pas ce que c'est la Sange, c'est quoi ça? Alors, c'est les amoureux de pêche, de chasse et de nature. Ouais. Ils se sont rencontrés à Sully-sur-Loire. Voilà, ils ont manifesté samedi matin dans le château pour dénoncer la maltraitance animale, mais voilà. Ouais. Ça n'a pas gâché, il y a eu une petite manifestation, mais ça n'a pas gâché la fête de la Sange. En fait, c'est pour les animaux de chasse à cour aussi. Hein. Ouais, il y en a un qui est interdit dans les studios. On est en train de perdre quelqu'un là. Il y a un mec qui est interdit dans les studios, j'ai entendu d'ici. Ah, la vache. La halle d'attente de la sécurité sociale, tu sais. Ah la vache. Ah, l'éternuement. Donc, voilà. Je crois que c'était un mec en train de crever dans les studios. Donc la fête de la Sange à Sully-sur-Loire. La fête de la Sange. Pour les amoureux de la pêche et de la chasse. Ouais, d'accord. Alors, j'en parlais la semaine dernière du gâchis alimentaire et puis de la banque alimentaire qui avait récupéré plus de 800 tonnes de marchandises. Pas bien, ça. Eh bien, il y a de moins en moins de gâchis dans les hypermarchés. Ah ouais. Et ça, la tendance, elle est assez heureuse. Hein, on le voit du côté de Montargis, où les grandes surfaces jouent de plus en plus le jeu de redistribuer la nourriture, les aliments populaires, les choses comme ça. Voilà, aux associations qui en ont besoin pour redistribuer aux gens défavorisés. Bah, ça, c'est bien. Voilà, faut le saluer. Bonne idée, bonne initiative. Faut le saluer. On peut peut-être parler de ce qui va se passer ce week-end. Ouais, bah vas-y, de toute façon, c'est bientôt le week-end, hein. Voilà. C'est demain, on en sort. Vendredi, 4e édition du festival Hop Hop Hop, vendredi et samedi, en centre-ville. 5 c'est quoi lieux. Ça c'est, du, c'est un du... festival de musique organisé par l'Astrolabe. D'accord. Dans la ville, il y a 5 scènes réparties dans le centre-ville. Ouais, c'est bien. Sur 2 jours de concert, 35 groupes se produiront au festival Hop Hop Hop Hop Hop. Hop. Et puis samedi, je pense à toi, samedi, Francky, vas-y. Grand sportif devant l'éternel. Ah bah moi, à fond dans le sport en ce moment. Mais ce sera, tu te prépares samedi et tu changes tes chaussures dimanche, la No Limit Race à l'île Charlemagne. Ça, on se roule dans la boue et tout là. Voilà, alors il y a une course d'obstacles de nuit qui se déroule ce vendredi soir. Faut pas se paumer. Hein. Voilà, donc faut s'y préparer. Ouais, je la ferai bien un jour la No Limit Race. Ouais, un jour aussi moi. Mais c'est juste pour me rouler dans la boue moi que ça me ferait. Ouais, bah, ça, et on peut y aller en sortant. Hein. Si tu veux, on y va. Hein. On l'a fait ensemble. Mais pourquoi pas, ça pourrait être pas mal. Ouais, ça peut être sympatoche. On se déguise et puis Fabien voilà. On termine par le sport. Bah, si tu veux. Parce que forcément, lundi sport, lundi. Lundi, c'est la. Donc. Il y a eu une bourde, là, j'ai vu ce week-end, là, sur le foot. Ah là. La honte. Deux bourdes, ouais, ils ont mis l'hymne d'Andorre pour les Arméniens. Ouais. Tant pour les Albanais justement. Les Albanais, ouais. Et le speaker s'est excusé auprès des footballeurs arméniens. Alors c'est les Albanais qui étaient là. Ah ça l'a fou mal. Alors j'ai vu au journal de 20h justement Deschamps il a filé un maillot de foot de Griezmann pour s'excuser. Moi j'aurais invité toute l'équipe au resto. Ah bah ouais tu fais un truc. Un maillot de Griezmann on s'en fout. En plus pourquoi Griezmann? Pourquoi en plus, pas ouais. Bah ouais non mais les mecs il est pas sérieux là le Deschamps là. Bah peut-être qu'il avait que ça en stock dans les vestiaires quoi. Non mais moi j'aurais invité tout le monde au resto. Bah ouais, hein, tu vois, je dis aller après le match. Ça devrait être la fédération, toi, la fédération invite. Et puis on voilà. Se fait une belle bouffe après le match, on va tous bouffer. Bah voilà, et on va être bien. En tout cas, voilà, dommage. Hein, ouais, bah ils ont gagné les Français. Ouais, ouais, je crois 4-1. 4-1, ouais. Pas mal. Alors en sport. Alors les féminines de l'US Orléans, Loire et Football ont arraché le match nul face à Toulouse Football Club ce week-end en division 2 féminine. Ouais, c'est du foot ça. Hein. C'est du football, l'USO Football Féminine. D'accord. Et puis les Panthères de Fleury ont gagné leur match à Dijon samedi dernier, 27 ils ont pour Dijon, 31 pour les Panthères de Fleury. Ils ont gagné contre. Ouais. Elles alignent ainsi donc 3 victoires sur leurs 3 premières journées de championnat. Là, les Panthères, faut qu'on les ramène. Hein. Je vais aller les voir là, les Panthères de Fleury. Là, quand elles gagnent comme ça, elles sont en pleine. Parce que là, en ce moment, elles sont en haut du tableau, hein, les Panthères. Elles sont en haut du tableau. Ça grogne en ce moment, hein, là-haut. Hein. Et puis, on termine par l'insolite. Ah ben l'insolite. Allez, l'insolite. Allez, on y va. Donc là, je vous emmène en Espagne pour un sauvetage. Olé pour un sauvetage exceptionnel. Exceptionnel. Je pèse mes mots, Francky. Ça tombe bien parce que l'Espagne, ça arrive derrière après. Alors que ce jeune homme se trouvait dans les montagnes russes, dans un parc d'attractions en Espagne, ce touriste-là, un autre touriste qui était dans les montagnes russes, a rattrapé le téléphone du premier au vol. à une vitesse de 134 km/h. Le portable tombait. Ah ouais, quand même, ouais. Ah, c'est bien. Et donc, ça s'est passé jeudi dernier. Et ouais, le jeune homme qui a perdu son portable dans le manège, il venait de Nouvelle-Zélande. Ouais. Donc après, voilà. Hein. Et pour remercier son aimable sauveteur, en fait, il lui a envoyé, tiens-toi bien, la vidéo du sauvetage. Oh, super. Eh ben, moi je dis c'est cadeau. Ah mais ça se trouve la vidéo il va la mettre sur YouTube là. Le mec fait tomber son portable à 1000 balles. Ouais. L'autre il lui ramasse, il lui sauve. Et l'autre je te remercie. Non, puis lui donner un chèque. Hein, c'est voilà. Un bifton. Bon, est-ce que vous voulez une deuxième info insolite? Allez, une insolite avant le 4L Trophy là. Ça se passe aux États-Unis. Dans 5 minutes. Dans un hôtel. Voilà, il y a un client qui arrive de sa journée de visite et il rentre dans l'hôtel, il rentre dans les halls de l'hôtel. Et avant de monter dans sa chambre, il veut passer au petit coin. Ah. Donc il va dans les toilettes de l'hôtel, dans les halls. Ouais. Et là, il ouvre la porte et il tombe nez à nez avec quoi? Une vache. Un petit ours brun qui était assis sur le trône. Non. Et qui dormait. Il faisait pipi. Ah non, voilà. Okay. Ouais. Donc les gens de l'hôtel ont réussi à le faire partir doucement, mais voilà. Donc, t'as flippé quand même un ours. Ah bah, tu vas pisser et puis tu tombes sur un ours. Heureusement qu'il n'était pas agacé, l'ours. Il l'aurait bouffé dans les chiottes. Mais peut-être c'est ça. Peut-être qu'il était attiré par la bouffe et voilà, il cherchait de la nourriture. Il cherchait la merde. En tout cas, voilà, c'était. Ça arrive, hein. Un petit ours brun tranquille sur les toilettes de l'hôtel. Oh, c'est mignon. C'est mimi. Ouais. Voilà. C'est mignon. Mon Fabien Dubas, tu restes avec nous pour le 4L Trophy? Bien sûr, ils arrivent les gars dans moins de 3 minutes. Allez, et puis juste avant, nos amis italiens sont là aussi. Avec Eros Ramazzotti. Et puis on va parler 4L Trophy désert. T'es prêt? Spaghetti bolognaise, si. Allez, on les accueille dans 3 minutes. Ciao. A far piovere amore, si potrebbe cantarla un milione di volte. Bastasse già, bastasse già. Non ci vorrebbe poi tanto imparare ad amare di più. Se bastasse una vera canzone per convincere gli altri, si potrebbe cantarla più forte. Che sono in tanti, fosse così, non si dovrebbe lottare per farsi sentire di più. Se bastasse una buona canzone a far dare una mano, si potrebbe trovare nel cuore, senza andare lontano, bastasse già. Bastasse già, yeah. Non ci sarebbe bisogno di chiedere la carità. Dedicato a tutti quelli che sono allo sbando, dedicato a tutti quelli che non hanno avuto ancora niente, che sono ai margini da sempre, dedicato a tutti quelli che stanno aspettando, dedicato a tutti quelli che rimangono dei sognatori, per questo sempre più da soli. Se bastasse una grande canzone per parlare di pace, si potrebbe chiamarla per nome, aggiungendo una voce e un'altra. Che diventa di un solo colore, più vivo che mai. Dedicato a tutti quelli che stanno aspettando, dedicato a tutti quelli che venuti su con troppo vento, we'll be right back. avrei voluto che fosse così, che fosse così. Hanno creduto, cercato e voluto che fosse così. Stato molto ah, ça rappelle les souvenirs de vacances, peut-être l'Italie avec Umberto. Non, Eros Ramazzotti. Eros Ramazzotti, bien c'est sûr. Pas, c'est pas lui, c'est pas le même, Umberto Tozzi. Non, c'en est un autre. C'est un autre chanteur, c'est un cousin lui. Voilà, ils sont un peu tous proches. Ouais, on accueille nos invités. L'After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Et ouais, nos invités aujourd'hui, 17h passées de 37 minutes sur Radio Arc-en-Ciel, après le flash info de Fabien Dumas. On accueille deux jeunes, le 4L Trophy, si je me gourre pas de nom, c'est ça, c'est bonjour. Ça, on va ça. Commencer par qui? Par Valentin. Allez. Bonjour, ton prénom c'est? Bonjour, du coup, Valentin. Salut Valentin, ça va? Très bien. Alors vous êtes déjà venu à la radio il y a quelques mois, on va dire. Hein, oui, c'est pour ça. Parler justement de ce bel événement, enfin, on peut appeler ça un événement? Oui, ouais. Oui, tout à fait. Alors le terme exact c'est quoi? T'es 4L Trophy Show, 4L Trophy c'est quoi? Comment? Juste 4L Trophy. Ouais, moi j'aime bien dire chaud à la fin, ça met un peu de patate, je trouve. Bah, il fait chaud à la fin. Voilà, ça, et ben là, puis surtout là-haut, le désert, il va faire chaud. Ah oui, c'est sûr. Donc Valentin, on va débattre avec toi, Valentin. Présente-toi, tiens, Valentin. Alors tu fais quoi? Tu essaies de la sauce, c'est quoi? Explique-le. Alors, du coup, je suis étudiant en deuxième année en IUT GEA, donc c'est une formation à l'université d'Orléans à côté. Ouais. Et donc à côté, je me suis investi dans un projet, donc qui est le 4L Trophy. Ouais. En soi, on a créé une association, mais c'est juste pour l'aspect juridique. On n'est pas. Ouais, bien sûr, il faut quelque chose de concret sur les ça. Papiers, quoi. Hein. On peut c'est pas ça. Partir comme ça dans le désert pour s'amuser. Hein, exactement. Ça, c'est sûr. Alors, le but, c'est quoi de traverser le désert? Donc, c'est le Maroc, c'est ça? Oui. En fait, on part de France, on traverse l'Espagne pour arriver au Maroc. Ouais, l'Espagne, ouais, direction le Maroc. Et là, vous allez emmener des fournitures scolaires aux enfants qui en ont besoin, si je me trompe exactement, pas. Exactement. Voilà, bien lu, bon, les petits paplards. Hein. À bord d'une 4L aussi, c'est important de préciser. Oui. C'est quoi? J'ai pas compris. D'une 4L, à bord d'une 4L. Ouais, on va parler justement de la bagnole après. C'est pas une Porsche, hein, heureusement d'ailleurs. Et justement, une 4L. Alors pourquoi la 4L? Pourquoi pas avoir pris autre chose? Je sais pas. Et c'est à la personne qui l'a créé il y a 22 ans qu'il faut le ouais. Poser la question. C'est, il a... Mais moi, je pense que j'ai la solution. Pour moi, je suis pas mécano, j'y connais rien en bagnole. Mais je pense. Fabien, il se marre tout seul, il est des mecs, il a toutes les réponses. Non, mais je pense que c'est une bagnole solide. Au niveau motorisation, c'est facile à entretenir. S'il y a une pièce qui pète, on peut la changer facilement parce que maintenant les bagnoles de maintenant, va changer les pièces, toi, accroche-toi. Une 4L, c'est très très facile. C'est inusable. C'est quand même voilà. un peu comme la 2 chevaux. Hein. La 2 doches, voilà, j'allais le dire. Tu m'as volé le mot. C'est très fragile quand même. C'est au niveau du châssis. Ouais, le châssis il est pourri. Hein, voilà, ouais. Faut rouler doucement. Faut faire attention là où on roule. Attention du poule. Voilà, attention de ni le chameau, faut pas taper. Charnière, voilà. Faut pas taper un chameau. Aux ornières, pardon. Ouais, charnière, parce que là-haut dans le désert, ça va être compliqué. Dans le sable, ça va, c'est amorti dans le sable. Ouais. Bon, tranquille, c'est parfait. Voilà. Alors, est-ce qu'un des deux est le pilote, justement, on dit le pilote de la 4L, non? Le chauffeur, c'est qui? Le pilote et copilote, mais on n'aura pas de pilote ou copilote, on sera tous les deux pilotes, on a tous les deux le permis, donc on conduira, on aura le bonheur de pouvoir conduire dans les bon, déserts ça. Partout, tous les deux. Ah, vous allez alterner en fait, un coup ce sera toi et lui. Ah ouais, d'accord. Il y en a qui dort et un qui conduit. Ouais, dans le désert, tu peux dormir, hein. Y a rien à l'horizon, hein. Ça, c'est tout plat, on ouais. Sait pas. C'est ça que c'est bon quand c'est tout plat comme ça, au moins, il y aura pas d'accident. À moins de croiser un chameau ou un dromadaire ou grosse dune. Un accident. Des chèvres aussi. Il y en a dans le désert. Ah, il y a des chèvres dans le désert. Ah, c'est comme dans le Larzac, il y a des chèvres aussi. Ou alors s'enfoncer dans le sable aussi, ça arrive et rester bloqué. Et justement, qu'est-ce qui vous fait flipper le plus aujourd'hui dans le désert avec cette 4L? C'est de rester justement dans le sable. Engourbé. Ah non, pour l'instant, ce qui nous ennuierait le plus, ce serait un ennui mécanique parce qu'on s'y connaît pas du tout pour l'instant. Ouais. Ah oui, dis donc, c'est un peu gênant ça, non? On est mal. Non, mais on va apprendre sur. Sur le tas. C'est voilà. Sur le tas, oui, c'est pas quand t'as plus une bière dans le désert qu'il faut apprendre. Non, on va apprendre maintenant, mais on s'y met. Non, mais là, vous. Non, mais les notions de mécanique, déjà, un petit peu. Vite fait. Bon, en fait, on apprend au fur et à mesure. On apprend. Quand on voit des personnes qui ont des vieilles voitures, on essaie d'apprendre au fur et à mesure qu'ils nous apprennent. Puis démarrage, choses comme ça. Non, c'est simple, une 4L, je crois qu'il y a un démarreur. Il y a une clé, peut-être. Des bougies. Voilà. Un moteur. Non, mais c'est simple, une 4L. Il y a 3-4 fils. Vous allez apprendre, j'imagine, à changer déjà un pneu, mais peut-être changer une pièce dans le moteur qui on compte qui peut péter. Ouais, c'est ça, apprendre avec la personne qui va nous la remettre en état, qui nous apprenne comment il faut faire. Ah, vous ouais, avez une voiture déjà là? Et ben c'est en cours. Là aujourd'hui, on est censé appeler une voiture pour se mettre un peu d'accord sur le prix, mais non, c'est ça, on a trouvé une 4L et on va bien sûr pouvoir renégocier, en voir si on en voit d'autres, mais on en a une vraiment qui nous intéresse vraiment. C'est pas la première qu'on voit et celle-là, il y a de fortes chances qu'on la prenne. Et est-ce qu'elle est en bon état? Parce qu'on dit les châssis en général, les 4L, ils sont pourris, c'est vrai, hein, c'est la réalité, ça c'est le défaut de la 4L. J'allais dire la marque, mais exactement, c'est un défaut de la 4L. Ça c'est vrai. Non, elle est en bon état ou pas? Vous l'avez vu la bagnole? Ouais, justement, c'était notre critère numéro 1, l'état du châssis, c'était le plus important. Donc on en a trouvé une qui était avec un châssis dans un état correct. Ouais, correct, ouais. Avec quelques corrosions au niveau de la carrosserie, mais c'est ce qui est important. Ouais, un coup de Framéto là, à l'ancienne. Framéto, c'est pour la salle anti-rouille. Hein. Ouais. T'as connu ça, toi, Fabien? La pub, ouais. Ça existe encore, ça, non? Avec la plongée, là, le mec, la plongée, je sais pas quoi. Ça existe encore, ce truc-là? Sûrement, dans les magasins de bricolage. Ouais, dans un truc de bricolage, ouais. Alors, un véhicule, la traversée du désert, donc direction le Maroc. Ça fait pas flipper, ça, Fabien Dumas? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je voulais leur demander, mais qui va préparer votre véhicule? Vous achetez un véhicule à Monsieur Tout le Monde, mais c'est pas un véhicule à Monsieur Tout le Monde qui va partir dans le désert. Eh bien, j'ai un ami qui fait des études en mécanique, qui va nous apprendre et nous faire toutes les préparations au niveau du moteur, qui va nous préparer un peu les pièces qu'il faut, qui va nous dire dans quel état elle est, ce qu'il faut améliorer. Parce qu'il y a des configs à faire spéciales là-dessus avant de partir dans le désert. Là. Oui. Changer les pneus, non? Des pneus plus larges. Oui. Mais des pneus plus larges, j'imagine. Pour le cross. Et ils vont pas rouler sans pneus. Hein. Non, mais changer les pneus, mettre des pneus plus larges, tu vois. Non, mais c'est beaucoup de renforts, en fait. Par exemple, le dessous de la 4L, il faut mettre des plaques de renfort. Ouais. Ça alourdit, ça aussi. Oui, mais ça évite les problèmes avec le sable, parce que sinon, le sable c'est bien. Sinon, mais vous auriez pu le faire en soucoupe volante. Ça, oui, on est d'accord, on y a pensé. Mais... Ça aurait été bien, ça. C'est pas légal. Fabien Dumas, tu voulais savoir autre chose peut-être sur la bagnole? Après, sur la voiture, mais surtout sur ce que vous allez mettre dans la voiture. Pas de fournitures scolaires. Les fournitures, ouais. Vous allez les récupérer où, ces fournitures scolaires? Eh ben, on compte dans un premier temps faire des journées à Leclerc. On est en train de voir avec eux une petite pub comme ça. Non, ouais, on va pas droit, hein. On va citer Auchan puis Carrefour. Ouais, c'est ça. Ouais, alors, les trois. Moi, je suis comme Bernardo. Non, mais des journées dans le supermarché. Ouais. Dans le supermarché. Ouais. C'est les gens qui vont vous donner à ce moment-là. C'est ça. Ah ouais, et c'est comme un peu ce qu'on fait à la fin du supermarché avec un caddie là, et on met des trucs dedans. Exactement. En plus, c'est la rentrée scolaire, donc les gens ils vont pouvoir vous mettre des choses. Bah, c'est ça. Mais après, d'autres idées aussi serait d'aller voir avec d'autres, avec des écoles. On aimerait bien faire un partenariat avec une école. On est en train de contacter des écoles. Il n'y a rien d'officiel pour l'instant. Donc on aimerait bien apporter des jouets, mais enfin des fournitures scolaires. En plus de ça, apporter des jouets pour apporter un peu. Porter des jouets dans une 4L, il n'y a pas beaucoup de place, attention les gars. Des jeux de dés, des jeux de cartes. Des petits trucs comme ça, mais je parle pas des structures gonflables. Non, mais il n'y a pas beaucoup de place. Alors déjà, les fournitures scolaires, ça va prendre pas mal de place. Vous l'aménagez comment la 4L concrètement? Alors vous virez tout l'arrière en fait. Alors vu qu'on est que deux, on peut enlever la banquette arrière. Ouais, et déjà, après ça va être un jeu de construction et on va faire des petites cases pour avoir du rangement. Ouais, c'est ça. Et pour avoir tout l'équipement nécessaire. Et vous dormirez où? À côté. Ah oui, dans les tentes. Faites gaffe, il y a des bêtes dans le désert, je crois. Ouais, il y a des scorpions. En fait, c'est... Ah, sérieux, hein? On est quand même nombreux, donc il y a des campements où on sera un bon nombre de 4L. Donc on n'est pas non plus tout seul au milieu du désert. D'accord. Qu'est-ce qui vous fait flipper le plus alors aujourd'hui? C'est quoi la route? C'est d'arriver, de pas arriver? La panne qui vous fasse tout arrêter. Une maladie, ça peut arriver. Imagine Valentin, il chope l'appendicite en plein milieu. Oh merde! Mais qu'est-ce qui vous fait flipper le plus aujourd'hui dans le désert? Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est que dès le début, on ait une panne importante qui nous fasse tout stopper. Alors que c'est notre deuxième jour, par exemple. Si on doit abandonner dès le début, ça c'est vraiment quelque chose. Aviation, paf! Là, t'es méchant, toi. C'est le pas de bol. Imagine, Vierzon, la panne, là c'est les boules. Moi je préfère quand on va en plein milieu du désert. C'est vraiment plus idyllique quand même. Voilà, au pire, on finit à pied. Et là, vous l'avez fait votre itinéraire déjà? Vous savez par où vous allez passer? Par Montluçon. On a quelques villes. Montluçon. Vous traversez l'Espagne par Madrid ou par Barcelone? Vous longez la côte ou par le centre? Sachant que c'est un spécialiste de vacances en Espagne, lui. Hein. Non, mais je suis allé au Maroc en voiture, deux fois déjà. En passant par en bateau ou en passant par l'autre côté? Algeciras, je prenais le bateau Algeciras. D'accord. Emmenez Fabien avec vous. Laissez-le en tête arrière. Sur le toit, c'est mieux. Non. Donc le, non, non, mais le, c'est sympa. Hein. Ouais, sympatoche. Alors le but, eh bien, c'est de, bah, de d'aider les jeunes là-haut qui sont à l'école, parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas de, de fourniture scolaire, malheureusement. C'est comme ça. Il y a des pays où on en a pas. Nous, on est gâtés en France quand même. Hein. Faut pas abuser quand même. Donc c'est ça le but, quoi, de ramener des cahiers, des stylos, des, enfin, y a plein de choses comme ça, Valentin. Oui, là-dessus, c'est vrai qu'on se rend pas forcément compte. C'est ça qui va être pas mal de partir de la chance. Parce que qu'on nous, c'est facile d'aller au supermarché du coin, d'acheter un crayon, d'acheter un cahier, une trousse, je sais pas, une graffeuse. Mais eux, il y a pas ça là-haut. Hein. Voilà, c'est ça. C'est la moins. Bah oui, oui. Ouais. Et vous avez déjà une ville, une école qui est ciblée ou il y a un partenariat qui est créé? Non, justement, on aimerait bien créer un partenariat en contactant l'organisation, parce que c'est quelque chose d'organisé, comme le trophée, ouais, de voir par où, par quelle ville exactement on passe, quelles écoles ils nous conseilleraient de passer. Ouais. Ouais, ce serait ça l'objectif. Là, en fait, il y a un gros travail de préparation quand même. Hein. Ah ouais, c'est énorme. Il y a de la préparation. Entre le trajet, la voiture, la mécanique, puis tout ce que vous devez emmener comme affaires, j'imagine. C'est ça, toutes les affaires. Faut pas trop se surcharger non plus. Bon, un short, ça ira dans le désert, un short. Voilà. La nuit, il fait froid. Hein. Il fait très beau la journée, mais la nuit peut faire assez froid. Alors, une doudoune, un short, un pull, un t-shirt. Faut tout prévoir. Voilà. Voilà. Et c'est comment vous faites pour aller aux toilettes dans le sable? Ah bah, on fait une petite pause. Ouais, d'accord. Non, mais c'est des questions, ça. Attends, les routiers dans la bouteille. Les tapis. D'eau. Allez, toi, c'est un routier qui peut nous aider là-dessus. On n'a pas encore une bouteille d'eau. Non, tout en roulant. Bon alors, par la fenêtre. Donc concrètement, vous partez quand concrètement? Demain? Presque. Non, c'est. Octobre, je crois, non? Fin février. Ah, moi, je suis c'est large. Demain, fin février. Ouais, ça arrive très, très vite. On aura le temps de se revoir, alors, d'ici fin février. J'espère, oui. Donc, aujourd'hui, vous cherchez quoi? Des partenaires encore, je suppose? Tout à fait, des partenaires financiers. On cherche des sponsors, principalement. Alors, si vous êtes de l'autre côté de la radio, là, vous êtes entrepreneur, vous avez une société de Portugal, par exemple, vous dites, tiens, je ferais bien un coup de main aux jeunes. Mmh. Alors, le truc, c'est qu'on peut coller sur votre 4L, l'autocollant, hein. Il y a des tarifs différents par rapport, si c'est le capot, c'est ça? C'est ça. Ouais. Si c'est l'aile, si c'est le bouchon de réservoir, ou si c'est l'arrière, la lunette arrière, on peut mettre justement votre logo, hein. C'est ça. En monnayant, bien sûr, un échange, hein, c'est ça. Il y a vraiment pour tous les budgets. La place. Ça peut aller vraiment d'une petite somme. Ça part de combien à combien la somme à peu près? 50 euros. Oh, 50 balles, c'est quoi? C'est le bouchon de réservoir? Non, presque. C'est juste au-dessus du capot, un petit endroit, c'est pas énorme, ça permet d'avoir sa marque et de montrer que vous nous soutenez. Après, la somme maximale, c'est 1200 euros. Ah ouais, là c'est quoi? C'est le toit, non? C'était le capot avant. C'est le capot avant, ouais. Très visible sur les journaux ou lors des événements, par exemple, quelque chose de grand. Capot avant, ouais. Et puis, ça flash. Et puis, même dans Orléans, ça se verra bien quand on se. Ouais, quand vous allez partir. Voilà, quand on l'utilisera. Voilà, si ça vous intéresse, vous êtes entrepreneur, vous nous appelez à la radio, là. Moi, je vous mettrai en contact direct avec les jeunes qui sont super motivés. Qu'est-ce qui vous a donné aujourd'hui l'envie, justement, de faire ça? Pourquoi? Ça vous est passé quoi, ça, à la tête, là? Alors. Concrètement, en fait, c'est on a toujours voulu, enfin que ce soit Thomas ou moi, on a toujours voulu essayer d'avoir un projet qu'on réalise en autonomie, c'est-à-dire que pour l'instant, on n'a pas encore eu l'occasion, à part avec le 4L Trophy, de réaliser un rêve et de tout faire dans un projet, c'est-à-dire qu'on a eu l'idée. Et jusqu'au départ, il n'y a personne qui va nous dire il faut faire ça, ça ou ça. Ah ouais, d'accord. Ouais. C'est à nous de tout faire. Et c'est ça qui nous intéresse justement par rapport aussi à l'entrepreneuriat. On dit que si plus tard on veut se mettre à notre compte, créer une société, quelque chose comme ça. Bah là, si vous faites ça, vous aurez tout fait, hein, à mon avis. Voilà. Parce que là, c'est quand même un gros challenge. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, mon Fabien? C'est un gros boulot. Vous avez déjà, dans quel domaine vous allez chacun vous répartir les tâches? Qui va faire la cuisine? Non, ça, c'est la recherche de sponsors, du matériel, la recherche d'école, au Maroc. Et quelque chose qu'on vous a pas dit, c'est qu'on est 5 en fait sur le projet. Ouais. Des personnes qu'on salue si elles nous écoutent. Alors avec Maxime, Améline et Coraline. Coraline, là, qu'on salue. Vous en avez même pas une grossesse avec vous? Il y a que 2 places. Ouais, tu l'as mis dans le coffre. Sur la remorque. Non, mais c'était des personnes qui nous aident et qui font partie. Du coup, c'est un projet d'études, en fait. Vous n'avez pas dit au départ, mais en fait, c'est un projet d'études avec notre IUT. Donc, ces personnes-là, elles vont toutes nous aider au niveau des événements. Donc, on va avoir une personne qui va être chargée de vendre du thé, par exemple, au niveau des marchés. Ouais. Donc, c'est Maxime. Donc, lui, on a ramené 3 kilos de thé du Maroc. Un copain qui nous a ramené du thé du Maroc. Donc il va, on va le mettre, on va l'acheter, on va le vendre. Ouais. Voilà. Donc lui va s'occuper de ça, de vendre, faire des marchés, des brocantes, même des événements. Compétition d'athlétisme, on va pouvoir être présent, vendre ça. Mmh. Et du coup, il y en a une aussi qui va pouvoir s'occuper de faire des événements. Comme on aimerait bien faire une soirée ici avec Radio Arc-en-Ciel, une soirée d'ici un mois et demi, deux mois, une soirée apéritive ou quelque chose comme ça pour présenter le projet, pour avoir plein d'animations. Non, on se boit la gueule. Mmh. Non, je rigole, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Oh, rigole, un peu d'humour. Bien sûr, on aime bien rigoler l'après-midi à la radio. Alors, on va aussi parler d'assistance, Fabien, parce que bon, c'est bien beau de se balader dans le désert, mais en cas de problème, on appelle qui vous avez quoi? Vous avez quoi comme téléphone en fait? Parce qu'il faut quoi comme là-haut comme téléphone? Il n'y a pas de réseau là-haut aussi? Alors, non, c'est par satellite. Avec un peu de chance, on peut faire des grands SOS et quelqu'un nous voit. Ouais, dans le sable avec le doigt. Exactement. Non, mais il y a des balises. Non, vous avez des balises, quelque chose, non, sur vous? En fait, on a nos téléphones. Ça capte. Ça capte dans le désert. Pas tout le temps, mais ça capte encore, normalement. Ouais. Ah ouais, d'accord. Et il y a une assistance avec le 4L Trophy, donc il y a des... Ouais, au cas où il y a un malaise, quelque chose. Voilà. Mais comment on peut vous repérer dans le désert, par exemple? Si vous n'avez pas une borne GPS dans votre... On a des fusées de détresse. De détresse. Ah, c'est comme ça qu'on vous repère. Ils sont où, les mecs? Ils sont à... Les deux coups. On va les secourir sur 3000 km. Et ça, ça ne fait pas peur, ça? Non, justement, c'est... Non, c'est ce qui vous a... La peur du risque. Est-ce que vous avez des gestes de secourisme tous les deux? Parce que s'il y en a un qui... Je sais pas... La PLS. La PLS, ouais, c'est ça. Parce que le SAMU vient de rapport, je vous le dis tout de suite, les gars. Il faut se former aussi à ça, peut-être. Ouais. C'est ça, un minimum. Là-dessus, ce qui est bien, c'est que... Les pansements, tout ça, vous emmenez, hein. Ouais, des trucs de pharmacie. Bah oui, pour soigner une plaie, peut-être. Bah ouais, bien sûr. Un peu désinfectant, des pansements, bien sûr. En fait, ni lui ni moi, on sait secourir. Donc comme ça, s'il y a un accident, que ce soit lui ou moi, on saura pas faire. Ouais, non, non, tu l'entends dans le désert. Non, mais au pire, tu l'entends dans le sable. Là. Après, il n'y a plus aucune trace. Ouais, comme ça, il n'y aura pas de trace. Hein. T'inquiète pas, on t'aimait bien. Hein. On te fera une dédicace à la radio le matin. Ouais, ça nous fera plaisir. En tout cas, une belle aventure. C'est quoi le lien Facebook? Il y a Facebook, je suppose. Il y a un petit Facebook. Une page, non? Quelque chose? Facebook, Instagram. Instagram, il y a tout. Vous pouvez le donner là, vous le donner pour sur Facebook, on peut mettre un lien. C'est quoi le Facebook, le vrai? Il y a une page, quelque chose? Oui, alors c'est TROPHIUTO. Ouais. Donc TROPHIUTO. Ouais. Voilà, donc sur Facebook, sur Instagram. Et aussi, si vous voulez nous soutenir, on a créé une cagnotte Litchi. Ah, Litchi, ouais. Voilà, ça c'est bien. Ouais, je pense que vous connaissez, ça permet de récolter des dons. Bah oui, on connaît. Et donc vous verrez là-dessus, on a fait des petites surprises par rapport à la somme que vous donnerez. Il y a des. Ouais. On a pareil, si on tape TROPHIUTO ou TROPHIUTO. En fait, vu qu'on est à l'IUT. Ouais. Ah oui, Trophy IUT, ben, ouais. Voilà, vous trouvez ça. D'accord, ouais. Voilà. Ok. Donc sur Litchi, vous nous retrouvez avec le même nom, Trophy Théo. Ouais. Bon, on était content de vous revoir. On ne sait pas si on va se revoir un jour. Parce que... C'est bien vivant. Non, par contre, ce qui serait bien avec la radio, c'est de se faire un direct sur Messenger. On peut, hein, avec Messenger. Quand vous serez dans le. En Espagne, dans le désert. Quand vous serez dans le désert, vous nous passez un coup de Messenger et puis on fera un petit direct. Ça peut être sympa. Avec grand plaisir. Bah, vous, ouais, qu'est-ce que j'ai une question là. Combien de triangles vous emmenez? Les triangles, c'est quoi le triangle? Triangle rouge. Pour la sécurité, triangle. Il n'y a pas besoin dans le désert. Attends. Combien vous en emmenez? Alors un, parce que c'est obligatoire. Ouais. Alors en Espagne, c'est deux. Dans le véhicule. Oh, attention, il y a pas. Attention, oh là là. C'est le piège, c'est le piège. Non, mais dans le désert marocain, il y a pas de triangle. À mon avis, là, c'est un feu qu'il faut faire. Ouais. C'est pas un triangle qu'il faut mettre. Là, c'est quatre fusées qu'il faut envoyer. Du bois. Non, en tout cas, on va. Ce qui serait bien, c'est que vous reveniez à la radio, en reparler quand même, parce qu'on a le temps d'ici février. Vous allez venir quand même pas mal de fois. On va faire un petit fil rouge jusqu'au départ. Et puis, on fera genre. C'est quel jour le départ? C'est quel jour? Si je me souviens bien, c'est le 23 février. 23 février? Oui. Le 23 février, à la veille ou deux jours avant, la semaine du 23, on se tiendra au courant. Un petit. C'est un dimanche le 23. Et dans la semaine du 23, le lundi 17, mardi 18, ouais. Tiens, bien scellé, mon Jackie, là, ce qu'il attend derrière, en même temps, en direct, comme ça. Non, mais on sera un truc la semaine d'avant, tu vois, genre le départ, le jour J. Vous avez quoi? Vous avez une tenue de pilote, quelque chose, non? Un casque? Pas encore, mais sinon. Il y a des casques, non? Il y aura des casques? Vous avez des casques? Même non. Pas, avec une 4L, on va pas trop vite, normalement, parce que sinon, ça va pas tenir jusqu'au bout. Donc il n'y a pas de tenue spécifique. Anti-feu, tout ça, inifugé. Non, t'es des renforts dans la voiture? Ouais, des petites barres de métal. Fabien, dis donc. Attends, je me renseigne. Avant de terminer, il nous reste 3 minutes, les enfants, Ouais, on a 3 minutes là pour parler de choses qui vous intéressent aujourd'hui. C'est quoi alors concrètement pour terminer cette interview? Qu'est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce que vous voulez dire? Juste pour alors, vous par exemple, si vous voulez, si vous avez besoin d'aide dans le désert. Alors, nous vraiment, en fait, notre objectif c'est d'aider des entreprises à se développer, que ce soit au niveau de la communication, des réseaux sociaux, du recrutement, en échange d'un financement pour nous. Donc, si jamais une entreprise a besoin, par exemple, elle a envie de se créer des réseaux sociaux, mais elle ne sait pas forcément faire, eh ben, qu'elle nous contacte et nous, on est là pour les aider. Ah ouais, c'est bien ça. Pour qu'elle, elle se développe et qu'en échange, nous, on puisse aboutir notre projet. Et ben voilà, en tout cas, des jeunes motivés, Fabien Dumas qui a gardé son téléphone. Très motivé. Non, mais c'est quelque part, je les envie. Tu vois, c'est vrai. J'ai envie de partir avec eux. Bon, écoute, c'est tous les ans ça. Ils m'ont donné envie. C'est tous les ans. L'année prochaine, on le fait ensemble si tu veux. Mais c'est pour les jeunes, désolé. Oh, lui, les plus étudiants. Oh, toi, on va s'occuper de ton cas après. Non, non. T'es galé où? La 4L, elle est où la 4L? Est-ce que la 4L, on l'a récupérée quand? Prochainement, on va avoir justement. Vous allez pouvoir rouler en Orléans avec? Oui, oui. Ah oui, parce qu'on va l'assurer, on pourra l'homologuer, ouais, quand même. Elle sera homologuée, on aura des roues, il y aura tout. C'est ça. En fait, normalement, on va l'avoir fin septembre si tout se passe bien. Du coup, jusqu'à février, on va l'utiliser ici. Ça permettra aussi aux entreprises d'être visibles sur Orléans, de faire de la publicité, pas que pendant l'événement. Ouais. Et si c'est celle-là, ce sera de quelle couleur? Grise. Okay. Gris. Bleu. Un bleu gris. Bleu gris, c'est joli. C'est joli. On vous enverra des petites photos. On va se marrer. En tout cas, on fera des photos ici. Avec la 4L dans le studio. Ah bah, on va voir qu'on aura. La portière ou... Non, mais c'est pour la tester. On viendra vous voir avec la 4L. Mais on l'a testé. On va monter les escaliers avec et tout. Elle va traverser le désert, la 4L quand même. Et dis donc. Faut la préparer à tout. Moi, ce que je propose, c'est qu'on se donne rendez-vous. On est quel mois là? Septembre. Qu'on se donne rendez-vous une fois par mois, par exemple. Alors, parfait. Pour en parler, faire un petit fil rouge avec l'avancement, tu vois où ça en est, etc. Oui, oui. Et puis, le jour J ou une semaine avant le jour J, on sera en direct ici avec la 4L. Et puis, on ira faire un petit tour avec la 4L, tiens, avec des casques et tout, pour se marrer. On ira à l'île Charlemagne. Ah oui, le terrain de boss. C'est son père, ça, Charlemagne. Ah non, mais faut la tester. On traversera la Loire pour voir si elle est étanche. On est des malades. Merci les enfants. Merci les gamins. Merci à vous. Et puis, du coup, à bientôt. Dans un mois pour faire moins d'un mois même, on va se dire tous les débuts de mois, on va se faire un petit rencard. Parfait. Ça va être fort. Fabien Dumas, dernier mot à rajouter avant 18h. Eh bien, bonne fin de journée à tout le monde sur Arc-en-Ciel. Super. Quel mot pour terminer? Si moi je peux dire, avec promotion personnelle. Ouais, vas-y, on voit la promo. Je redémarre l'émission Côté Association le 26 septembre. Ouais, c'est dans 15 jours ça. Ah ouais, j'ai le temps. C'est le jour de la soirée After Work avec Radio Arc-en-Ciel à Patapin à Orme. Tout à fait. J'ai un peu fait exprès. Et tu viendras nous voir après alors. Tout à fait. Et c'est super Fabien. Merci les gars d'être venus. On se revoit dans un mois, puis on vous suit, puis après on suivra en février votre parcours. On espère que vous alliez très très loin et jusqu'au bout, que vous reveniez vite en France. Bon, si vous revenez pas, promis, on fera une émission spéciale pour vous. Sérieux, si on revenait pas, on fera une émission pour vous. Moi, je vous le dis, je m'engage. Émission hommage. On mettra les cercueils là. On vous ramènera les restes de 4L. Ouais, on mettra vos restes aussi là. On les aimait bien. On les a connus au départ. On les a reçus à la radio. Ils étaient motivés. Mais on a un problème avec l'embrayage. Non, vous êtes plein de choses, les gars. Merci beaucoup. Bonne journée. Salut sur Radio Arc-en-Ciel. Et puis tout de suite il arrive, c'est l'Espagne avec Jackie sur Radio Arc-en-Ciel Espagne. Yep. À demain 17h sur Arc-en-Ciel.